L'été revient, c'est comme s'il n'était jamais parti. Il est là sur ta peau, ton sourire, dans tes yeux, dans ta voix qui s'élève, qui m'enlève. Mon cœur lévite, s'envole vers la lune qui rit encore de travers avec lui. À 21h52, j'ai envie de te prendre dans mes bras. J'ai envie de t'enlever, de ne te garder que pour moi. Même si j'aime aussi ton côté volatile, les pieds nus dans le sable, sur les rochers, mal au cul, les bateaux de la Corse partent sans nous. Je suis sûr qu'on est beaucoup plus loin sur notre île sauvage qui n'accepte que nous. Et notre amour si harmonieusement cabossé, y a vraiment des gens qui inscrivent leur chien sur FB. À 21h52, j'ai envie de bouffer ton sourire, de sauter sur toi comme un félin sur sa proie. Mais je reste sage et tu écrases un moustique sur mon bras. À part pour le moustique, j'ai trouvé ça érotique. Un instant tu m'écoutes religieusement, puis tu viens te coller pour lire une vidéo sur ton mobile. Je te sens tout près et près de toi, c'est le bonheur. Du coup, j'ai encore envie de t'enlever, mais on n'enlève pas son ami particulière. Quelles sont ses façons? On lui dit qu'on l'aime et après on s'en va.